Let's go! Dimanche soir, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Are you ready? Ok, dimanche soir, rendez-vous avec DJ Case pour Rail Suprême. Comment ça va, Case? Très très bien. En pleine forme pour ce soir? Toujours. Je vois que tu as un invité de marque. Voilà, comme on l'avait dit la semaine dernière, et Mister You est parmi nous ce soir. Il est là, comment va? Kataga, Samakoum. Bienvenue dans Rail Suprême. Ça va, Confred? Ça va et toi? Tranquille, ça va, je te remercie. Plaisir de te voir. C'est gentil. En pleine forme? Partagé, ouais, nickel. Bien. Ouais, comme. Comment du branché. Et elle ressemble à quoi la vidéo en ce moment? C'est studio, avion, aéroport, plage. Et des grosses. La belle vie. Ça va, une belle vie, bien. Faut ça profiter. Va, Adula, ouais. Bon, et donc Case, You, s'il est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. Donc voilà, il est dans mon projet qui sort le 15 juin, Paris en New York. Donc là, cette année, ça sort le 15 juin. Gros album. Et le premier titre, c'est avec donc Mister You. Sur un son qu'on a déjà pu écouter, qui s'appelle Juniji, donc connexion indienne. Juniji. Voilà. Il y a le clip qu'on va balancer mardi. Il est déjà dispo sur iTunes dès maintenant. Donc il est là à cette occasion. On va faire découvrir le titre en famille. En plus, il n'est pas cher sur iTunes. Hein. C'est ça, il a 69 centimes. 69, hein, j'ai vu. Ah, 69, c'est un bon chiffre. 69, on a dit on arrange aujourd'hui. Là, c'est l'été, il fait beau, le ramadan, c'est dans pas longtemps. Donc vite, là. Dépêchez-vous. Vite, allez cliquer 69 centimes, ça va. Ouais, hein. Ouais, tranquille. C'est bien. Dédicace à tous les frères du 6-9. Hein. Bon, toi, t'es content d'avoir bossé sur le projet You. Qui vont l'acheter. Hein. Ouais, You, je disais, t'es content d'avoir bossé sur le projet? Bien sûr. Toujours, Kai, voilà, t'as vu, c'est le refrain. L'année dernière, déjà encore, on était là et on a toujours été là et on sera toujours là. Mm-hmm. Eh bien, je pense qu'on peut y aller, Case, maintenant, allez, si bon, veux bien. Coup d'envoi de ce Rail Suprême. Mister You pour l'ambiancer aussi. C'est okay. Ça. MCU. Tu me laisses les platines. Ah, c'est toi, tu te débrouilles. Il va mixer avec moi, là. Allez, c'est parti, coup d'envoi de ce Rail Suprême maintenant. Dimanche soir, minuit, 1h, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit, 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Dimanche soir, minuit, 1h, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock.

Ça donne envie de se marier tout ça, hein. Ou d'être invité à un mariage. Soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Sorry, souffle, cabane, napoletano. Le carahna est garé, chalé, l'adien est goulou. Le hagouni, le dari, chouyad, le gâchimalou. Tenia, paratini, belle, l'adien est banou. Sorry, souffle, cabane, napoletano. لكاها غيقاري خلي العديان يقولوا لحقوني لداري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني دلي العديان يبانو عايش في آلجي وهرن ولا ميلانو ريسكي ونفوجي العقلية الباتشينو عطر رضا طالياني وهرن ولا ميلانو ريسكي ونفوجي العقلية الباتشينو داخلها ويسكي قالت الشي راهي ترشي الراجل ولا غي تاع شيشي غشيشة ولي سوشي دوما تاتجي تخد سوشي حبسوا لي سوخسي كلشي ولا حرام بلاد الشيطان ولي بوسي فرباليزية فلي شونزيليزية ما بيش تضرب لاسي واقو فابا ماليزية عربوش ميكا حلوش باين يردونا وحوش فيلا نويكا تقا ابوكا بغي لي ماك زيد خلوشا بزاف الحلوشة فالي راها مشلوشة افاك ما تدعب بأب وتسيب منكم انوشة عندي دمي توزي جزائري مغربي صحراوي شاوي حمراوي كي ربي وهران وباري سموني ابوكا سما وعرس تتشوكا شلو بلاد دافيك الفخير اون فيلا فيدا لوكا الواحد شوف باري غاني راني تبيعي لا بلونش الزيت لا راهي دور سون بيتي بلاد الشيطان خويا سي لا فيغيتي باري اورا نيويورك بيانتو دار البوك لا بلونش الزيت لا راهي دور سون بيتي بلاد الشيطان خويا سي لا فيغيتي نيكو الدعوة الليلة انا يا خوتي راني في باريس اش في موبيز ونيكو الدعوة الليلة انا يا خوتي في في في مولد كازا في في مولد كازا شوفو فيا تفرجو في التلفازة يوليو ما ضحكو غدا كنازة يو قطع قبلتي ابوكا القعدة جرى دربوكا شامبان محيا وفودكا قرعة ويسكي وقرعة كوكا في خاطر وتخلي مورا لما كان فيزا نلعبو لورا شفنا العودة نتاع الفيراري ماشي بحال تلعب على وي وي وي غدا في السطاط غدا في العمارة كلمة تاع الراجل ماشي الكلمة تاع بيرا يا مدبس انت بكيني كير غير ميمة للبكيني العروسة لابسة البكيني تحت ستارو سالامبورغيني جات لعندي قلت ليها برانيك ستة صباح نتلاقاو في الكباريك Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. C'est mon malheur, abusé. J'aime trop les femmes, abusé. C'est mon malheur, abusé. Même vous, mesdames, pour vous amuser. Polygame.

مش هذا الفراق صعيب والربط صعب يا ليلي يا لي بويا وش كل لي بلاد ولي ويني وعوجوك عليا واش هذا ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والربط صعب يا هاي سوبريم هاي سوبريم ريك دي جي كي سوف كي روك pas ta Beyoncé, j'ai pas le compte ta carte, j'te paye un jean Philippe plein, mais ma chérie faut le remplir, si t'as le compte un Philippin, pas un euro j'vais sortir, au pire il me reste mes mains, et des photos de Rihanna, quelques rouleaux de Sopala, et j'suis à Punta Cana, ok, On est tous en place et t'as pas d'amigo. Nous c'est entier le chill, c'est leur chose à Nico. C'est vrai que j'en rigole, pour tous c'est pas le même niveau. VIP, Cassis, Family, baisse les rivaux. Baisse les rivaux. Toute la nuit, je veux en découdre. Pour l'instant, on est sur écoute. J'avance, vois plus rien sur ma route. Grosse dédicace pour DJ Kays, 5 millions mais et après je me casse. Ça piquera de la poutre, t'as Franck Lucas. 1, 2, 3, 4 buts et après je me casse. Bat mes coronets, ça rien tu me les casses. Sable rosé, la bicrave et les cassettes. C'est notre 9-4, ça pisse les dabis. Investis dans la bière, le crack et le cannabis. Toutes les mains en l'air, tout le monde sur la piste. Me faites pas la piste, chez moi c'est la guerre. On peut pas faire autrement, sauf ceux qui volent pas la putain de leur maman. Je vais tous les allumer, clic clic, bra, ou katabra. Levez les bras. Gaga, gaga, gaga. même si vodka m'enivre. Jean Pépé, t-shirt Skyf, ta serveuse a du mal à calculer le tarif. J'ai la peau dorée, Armand de Brignac. La grosse fête en bois, nous dans une grosse baraque. Paris, Oran, New York. Soir, c'est Cash Marin. Pour mes albis, on ligue Bambara. Big up la street, on va le cas comme Jawara. Afrique, papa veut trois boumaras. J'ai envie d'un baraque comme Halle Karim et Poira. Comme Moussama, j'ai ce qu'il faut dans le débarras. Ils sont dans l'embarras, on force les routes barrées. On joue en train de la pour décoller, on est paré. Big up à Pépé, à tous les drames. Soir, c'est pour moi, crade. Qu'on va cramer, gataga, ouais ouais ouais, oulala. Non, mais c'est pas les bras, mais levez-les tous, ouais ouais, c'est du gataga. Non, je suis avec Kirgo, je suis avec Al Bandi, ouais ouais, je suis avec DJ K. Wesh DJ Kays, wesh Wild Red One, n'as-tu qu'on boite la douane. Alger Wahran, Kaza Tétouane, et moutou à l'Elkif, Kaoulé Derrif, Ismi Younes, Fichatar Tounes, Oulet Kabaria, Oulet Sid Hassin, Ismi Yougataga, Ougataga, Paris en New York, Paris en New York. Dédicace à tous, tous ceux qui sont en train d'écouter l'émission, en train de cramer dans leur voiture. Aïe aïe aïe, bye bye night, t'es les frères et sœurs incarcérés. Je peux péter le son par la fenêtre. On a compris, bien ou quoi, Mister Lee, comment tu vas? Ça m'a comme petit service à te demander. Alors tu vois, y'a une petite meuf dans 19, lui laisser les clés d'une tournoi. Mais je sais pas, je lui fais plus confiance, te plaît, récupère-les pour moi. Dès que tu les as direct sorti, tu les passes à appel. Pour lui, les passes à souris, car lui seul sait où se trouve l'hôtel. Où est planqué là, ce qui ensuite, tu me le passes au tel. Lui me dira si c'est ok, si t'en es tous les bordels. Puis appelle Nabil et récupère mon disque dur. Ensuite, passe à Belleville, demande le numéro de que dur. Appelle lui, comprendra, dis-lui que moi j'ai des courbatures. Mais que le colis a été livré, classé. Paris, en New York. Bientôt dans les pattes. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. J'ai vu le jean, gataga. Ce soir, le jean. Je me réveille, c'est pas le rêve. Renouna dans les yeux, je me tire et je roule en serre. Je suis dans le coltard, ta wesh plane dans les airs. Comme t'as bien rien à faire, la misère, la galère. J'ai mal aux dents, je me les brosse et me fais un bon douche. Hachette, je vais yesh et je tape une bonne douche. J'avoue la liberté, affiché. Y'a que l'entraîneur qui a le droit d'être garde-tête sur le banc de touche. Les minuit pile, il va falloir quitter la ville. La volonté, champagne et sky. Soir, son vomi de la ville, j'ai leur la mine, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Quand je vends l'Afrique avec du fric, je pourrais claquer, je sais pas combien, je veux voir toutes les mains. Parce que c'est la guerre, le fils de la pute molaire, l'infection les plus molaires. Je fume trop dealer à peine. J'arrête son Marrakech, j'ai frère qui m'aime mais ceux, ceux qui m'aiment pas garder la pêche. C'est Rail Suprême. Jusqu'à la fin, après j'avoue, y'en a qui forcent jusqu'au bout de la night. Il est minuit sur ma tocante, j'galère. Les gars se demandent où ils vont brûler un mois de salaire. Ça cause de boules, de bad bitch, ça va me plaire. Laisse les Brad Pitt fight pour un bout d'air. J'file comme une étoile, tout me baisse à fond. Chercher la fuck et m'équiper de ma course. Fini l'époque des guerres face au physio. Platine à Kay, frère en chemin. J'suis un enfant de la femme comme James Brown, j'ai les jambes en feu. Le doigt en l'air, le paquet gris, c'est trop mielleux. J'suis à déguster, j'suis à croquer, chaud à l'intérieur, rappelle-moi moelleux. Suis-nous sur la piste, c'est simple, des petits pains, un petit cerf en dessous de la boule à facettes. Jamais sous tease avec mes yeux de shiny. Cherche pas la kiffin dans le ghetto, c'est la cerise. Jusqu'à la fin, après j'avoue, y'en a qui pensent jusqu'au bout d'un oeil. Parfois t'as pas l'envie de sortir t'amuser, mais tes potes te t'engraînent. Alors tu te laisses tenter, et tu sais dorénavant qu'à la fin t'auras la migraine. Mais ça vaut le coup,

de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Personne t'importune, demain c'est l'Eid. Mabrouk le costume, on parle vrai, on parle de paix. Chaque été on vient s'amasser. On parle en vrai, on parle en gay. Parti de Rami, petit fricassé. Hey, khadra, foubla l'hadra. Khali bark, rabbi zahel. Comme un taraji, le friri. Glebe sfirxi, l'étoile du sahel. Hey, sahbi, viens faire un tour. Chemin de ta barca, alhamma. En taxi, ami chifour. Khali, emchi, dabba, dabba. DJ Case est là avec Mister You qui est toujours là aussi. Là. Et le morceau, on va le repasser avant la fin. Obligatoire. Ah, c'est obligatoire, laboratoire, suppositoire. Un morceau qui s'appelle comment, Case? Jugunidji. Voilà. Jugunidji, voilà, le son est déchiré. Ouais. C'est la version officielle francophone. Donc c'est un son qui cartonne un peu dans plusieurs pays. Et, dans le monde entier. On a la version officielle en France. Et voilà, le son il tue. On a pas mal de réactions. On voit les hashtags et les réactions qui sont plutôt positives. Donc ça déchire. Merci à tous. Continuez d'envoyer. On va le remettre d'ailleurs, je pense, avant la fin. Beaucoup de gens qui sont contents de réécouter aussi Mister You. Voilà. Qui demandent quand est-ce que ça sort le projet, quand est-ce que ça arrive, qu'est-ce qui se passe. Bah, moi je mens pas. Moi, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? J'attends la rentrée là pour sortir mon projet. Et cet été, bon, comme voilà, je vais pas être présent dans les bacs, bah, j'ai été présent, j'ai donné la force aux frérots. J'étais présent, vous me retrouvez dans pas mal de compiles cet été, dont celle de DJ Kaize. Et là, pour l'instant, c'est le premier morceau qui annonce moi aussi mon retour en quelque sorte et qui nous annonce la couleur du projet de Kaize paru en New York, qui, comme tous les ans, nous fait danser tous les pays. Donc, de retour. Voilà, et ça sort le 15 juin pour Mister You. Quand on dit de retour, c'est D-E-U-X. Il y a deux retours. Deux retours. Celui d'abord sur le projet de Kaize qui sort en effet le 15 juin. Et puis toi, ton retour à la rentrée. On est reparti pour une nouvelle session. Allez, coup d'envoi. Balance pas. Let's go. Dimanche soir, minuit, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go. Are you ready? Yeah.

Hey!

دريمس اكسكوزي فان بيتشيز انا شريكي جي بري ان تشيز سي سوار اون فا سي سوار سي جي جي كايزي ميستر يو C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis au colloque avec moi-même, là dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage toute la terre. Je rejoins l'espace. Moi, quand je lève mon majeur, je prends un selfie, je la redédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste. Au platine, c'est DJ Kaïs. Aïe, aïe, c'est sur iTunes, c'est disponible bientôt le clip. Inch'Allah, ça arrive cette semaine, la famille. Restez connectés sur Facebook. Je suis sur Facebook et sur Snapchat. Aïe, je suis un ami avec Natacha. Si c'est Natacha, elle kiffe, c'est les chichas. Et les chichas. Avec Aïcha, comme déjà. Oh, bah, ma mag. Giocani dei capai vicerai, giocani dei capai vicerai. O terrore cameli hai, o terrore cameli hai. Dammi cutico, dammi cutico, dammi cutico, dammi qualche cosa. Dammi cutico, dammi qualche cosa. Si vuoi play. Je mange un tandoori. Ah ouais, je repense à Paris, à ce vieux temps pourri. Je me fais masser, je fais bronzer tout l'après-midi. Je goûte toutes sortes de cocktails, fraises, vodka, litchi. Bref, pour le moment, si j'investis, c'est par la maman. J'ai pas trop le temps, donc s'il vous plaît, par la maman. Ce soir, je chauffe tout le monde, même quand je le pousse à bout. On se croirait dans les Simpsons, les puissiers, je l'appelle à pou. Ah, got a go. C'est dimanche soir et c'est déjà la fin. Ouais, ouais. Grosse soirée encore. Voilà. Voilà. Voilà. C'était sur You, tu voulais rester plus longtemps. Moi, toute la nuit. Jusqu'à 5, 6, 7, voilà. 8, 9, 10. On continue, on attend jusqu'à la marée, elle arrive. Ah, c'est un vrai fêtard. Voilà. Et c'est champagne. Elle a attendu longtemps. Hein. Oh là là, près de 24 heures d'antenne avec You, quoi. On fera ça pour le record la prochaine fois. Vas-y. Bon, merci d'avoir été là en tout cas, You. Merci à vous, merci à vous. Toujours, toujours l'équipe de Skyrock opérationnelle. Et DJ Kaïs encore, ben voilà, comme on vous a dit, allez télécharger le titre, il est sur iTunes. Et il fait mal. Jiginiji. Jiginiji. C'est le morceau et ça sort le 15 juin, Kaïs. Le morceau, il est sorti le maintenant. Morceau, oui, et la, ouais. L'album, ouais, sort le 15 juin. Et sinon, évidemment, le morceau, si on veut l'avoir tout de suite, si vous avez kiffé, c'est 69 centimes. Voilà, exactement c'est ça. Cher, c'est pas cher. C'est pas cher. Allez, cliquez. Merci, Mister You. Merci, Kaïs. Allez, merci. On la semaine prochaine pour la suite des aventures de Rail Suprême. Ciao. Le roi de musique. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Skyrock.